toute comment dire toute toute démarche pour mettre en adéquation leur genre avec leur genre d'un point de vue juridique par rapport à leur identité genre, donc ce que ces personnes-là ressentent. Et du coup, c'est le hashtag qui est utilisé par les personnes trans et intersexes aux États-Unis. Et on a juste repris le nom, en fait, parce qu'on a appris effectivement que Trump venait à Paris le 11 novembre, qu'il y avait une manif organisée contre, et qu'on s'est dit que c'était un peu un moment... ça peut être un moment de faire de se faire entendre en fait et de parler aussi à des personnes qui luttent contre Trump, pas forcément pour les mêmes choses, parce qu'il y a matière à lutter contre Trump dans de vastes domaines, mais à lutter en tout cas avec ces personnes. Et il y avait une grande diversité de luttes et d'associations présentes ce jour-là, notamment des luttes anti-impérialistes, anti-guerre, et voilà. Ok, donc toi, du coup, comme tu le disais, c'est un mouvement qui est du coup très récent, quoi. C'est quelque chose qui a été, ça n'a pas été créé dans la semaine, quand même. C'est un peu plus. Littéralement. Et la question, c'est, j'ai envie de dire, comment vous avez fait pour construire ça? Est-ce que c'est des réseaux entre vous, entre potes, amis, IES, tout ce que tu veux, et comment ça se fait? Et je trouve que c'est intéressant parce que pourquoi, et là j'arrête ma question parce que c'est plus une question, c'est une intervention, qui est au moment de la manif contre le mariage pour tous, il y avait tout un collectif qui se montait, et voilà, et je trouvais ça très intéressant de voir qu'à un moment donné, les personnes. Et c'est ça le truc, à la différence de l'autre truc, les personnes concernées se mobilisent. En fait, si littéralement, ça n'a pas été créé dans la semaine, ça a été créé dans les 15 jours. Le mouvement, là, il est parti de... la mesure de Trump, elle a été révélée au grand public par le New York Times le 21 octobre. Et dans le cours de cette semaine-là, moi, il se trouve que je suis militant déjà pour une autre association LGBT. Et dans le cours de cette semaine, j'ai dit aux personnes avec qui je milite, il y a une manif contre Trump le 11 novembre, ce serait bien qu'avec les autres assos LGBTQI+, on fasse un truc, en fait. On s'allie à LE pour faire entendre nos droits à nous, parce qu'en fait, tout le monde est concerné par l'avenue de Trump et par juste l'existence de Trump, malheureusement, parce que le fait qu'il existe et qu'il ne savent pas fermer sa gueule a un impact sur nos vies, en fait. C'est un mouvement, et la raison pour laquelle on a réussi à se mobiliser, c'est parce qu'en fait, on a fait jouer notre réseau, effectivement, d'associations LGBTQIA+. Donc moi, je suis bénévole pour une association qui s'appelle le MAG, qui est une association c'est pas le même militantisme qu'ACT UP, hein, c'est un peu du militantisme institutionnel, dans le sens où nos activités principales, c'est vraiment d'accueillir les jeunes LGBT+, qui en ont besoin. Faire de la prévention également, faire tout ça. Ouais, faire de la prévention et faire des interventions dans les collèges et lycées pour sensibiliser les jeunes aux LGBT-phobies, au harcèlement scolaire, tout ça. Donc on n'est pas dans la grosse manif, avec les en mode Black Bloc et tout ça, enfin c'est genre... Mais ACT UP n'est pas dans les Black Blocs, on est non-violents. Mais vous êtes dans des manifs où il y a des Black Blocs, attention. Non, de participer à une manifestation où il y a des Black Blocs ne signifie pas qu'on est dans les Black Blocs. Ah non, mais je suis complètement d'accord. Et de toute façon, j'allais venir sur ça, c'est que dans mon engagement avec le MAG, donc c'est un engagement plutôt gentil, on va dire. Après, à côté de ça, j'ai d'autres engagements militants qui sont un peu plus vénères, mais je ne peux pas me permettre au sein du MAG d'avoir cet engagement vénère. Donc d'accord. On essaie de trouver des équilibres. Voilà, c'est comme ça. On a juste communiqué... j'ai rédigé un appel. Je l'ai rédigé en partenariat avec d'autres assos, des assos de primo concernés. On a plusieurs associations qui ont participé à la rédaction et surtout à la relecture et à la reformulation de l'appel pour qu'ils... parce que je ne suis pas au courant de toutes les luttes. Je suis très au courant de la lutte pour les personnes trans, par exemple, mais pas pour les personnes intersexes. D'ailleurs, je vais revenir un peu sur ce que ça veut dire parce que je pense que ce n'est pas forcément clair pour tout le monde. Mais on a eu plusieurs assos trans et ou intersexes qui ont participé à la rédaction de cet appel. Le collectif Intersexes et Alliés qui fait un boulot d'enfer. D'ailleurs, je vous recommande d'aller sur leur page pour justement vous renseigner sur la question des personnes intersexes, parce que en fait c'est des personnes concernées et qui ont toute une partie un peu pédagogique sur leur site. Donc si vous savez pas ce que c'est qu'une personne intersexe, bah allez sur leur site, franchement ça vous aidera énormément. Pareil, on a Accept Testé qui nous a aidé, qui a fait quelques amendements au texte, le collectif Irrécupérable qui était représenté le jour de la manif. Une asso pour des personnes de personnes trans non binaires spectres, donc c'est des assos qui nous ont aidés avec la rédaction. Et du coup, juste pour préciser pour les personnes pour qui c'est pas clair, trans et intersexe, c'est deux choses complètement différentes. Les personnes trans, c'est des personnes à qui on assigne un genre à la naissance, donc grosso modo dans nos sociétés, si t'as un vagin on va dire que t'es une meuf, si t'as un pénis on va dire que t'es un mec. En fait les personnes trans c'est des personnes qui ça leur correspond pas en fait. Donc moi par exemple je suis trans, j'ai été assignée meuf à la naissance, je pense que vous l'entendez à ma voix, mais c'est pas mon identité de genre en fait, je ne suis pas une meuf et la société telle qu'elle est aujourd'hui m'empêchant de vivre autrement que comme une meuf, bah c'est un peu une violence continue. Et évidemment, moi j'ai de la chance parce que je reste quand même une personne. Bon, je suis blanc, je viens d'un milieu assez privilégié et tout, donc je suis valide en plus. Donc enfin bref, j'ai plein de d'avantages par rapport à d'autres. Mais j'ai des camarades qui sont au croisement de beaucoup de discrimination. Notamment, il y a pas mal de collectifs, dont Accept ST, qui mettent en avant les difficultés des femmes trans migrantes travailleuses du sexe. Donc ça vous fait pas mal de discrimination. Et elles vivent des violences qui sont multiples, en fait, et qui sont exponentielles. Et donc, du coup, ça, c'est pour les personnes trans. Et les personnes intersexes, donc les personnes trans, c'est sur l'identité de genre. Donc c'est surtout sur le ressenti. C'est du ressenti. Les organes génitaux n'entrent pas en compte du tout. Alors que les personnes intersexes, en fait, c'est des personnes qui ont des caractéristiques biologiques qui ne sont ni complètement mâles ni complètement femelles. Donc vous avez plein de cas différents. Et de toute façon, je veux vraiment aller sur la page du collectif Intersexes et Alliés, parce que n'étant pas concernée, je suis pas la meilleure personne pour en parler, mais grosso modo ça va être soit les organes génitaux sont ni complètement mâles ni complètement femelles, ça, c'est des cas, ça arrive, mais vous allez aussi avoir par exemple des personnes intersexes qui vont avoir des chromosomes XXY, c'est un cas d'intersexuation, ou voilà, vous avez plein de cas différents. Et et encore une fois, allez sur le site du collectif, sachant qu'en plus en ce moment IL font signer comment ça s'appelle ? Un appel, une tribune. Une pétition pour l'arrêt des mutations envers les personnes intersexes, parce qu'il faut savoir pourquoi les personnes intersexes sont incluses dans la lutte LGBTQI et pourquoi c'est important d'en parler. Bah déjà parce que les personnes intersexes, on leur impose un genre à la naissance aussi. Désolée. On leur impose un genre à la naissance aussi qui n'est pas forcément le leur. Parce que en France comme aux États-Unis, et c'est pour ça que les personnes intersexes manifestaient aussi dimanche, leur fait subir des mutilations à la naissance sur leurs organes génitaux pour que leurs organes génitaux correspondent mieux à l'idée qu'on se fait d'un vagin ou d'un pénis, ce qui est complètement stupide. Et donc c'est considéré comme des mutilations et c'est condamnable. Et voilà. Merci beaucoup Billy pour cette première intervention. On va faire une petite pause musicale et puis on revient vers toi tout de suite. Oh, Et bonsoir à tous, vous êtes toujours sur Radio Fréquence Paris Pluriel 106.3 au fond près du radiateur. Nous sommes toujours en compagnie de Billy. Rebonsoir Billy. Rebonsoir. Donc comme nous l'évoquions juste avant notre petite pause musicale, Billy donc fait partie du mouvement Won't Be Erased. Donc Won't Be Erased, nous ne serons pas effacés, hein, un mouvement qui découle du mouvement qui est né aux États-Unis très récemment et qui lutte contre Trump et ses politiques anti-trans et anti-intersexe. Donc Billy, toi t'étais présent au rassemblement qui a eu lieu Place de la République ce 11 novembre. Vous étiez pour porter quel message? Pourquoi vous luttez? Du coup, nous, on lutte pour les droits des personnes trans et intersexes, pour notre droit à l'autodétermination, donc, c'est-à-dire notre droit à décider nous-mêmes quel est notre genre. Et si, en conséquence, on veut changer notre état civil, si, en conséquence, on veut faire des opérations chirurgicales, ce qui n'est pas le cas de toutes les personnes trans, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et juste vraiment pour notre droit à l'autodétermination, ne plus avoir les pouvoirs publics, le juge, le médecin, le psychiatre, nous dire « il faut que je valide ta transidentité, il faut que je valide ce que tu ressens à propos de toi. » Et dans le cas spécifique du rassemblement anti-Trump, évidemment, c'est lutter contre la stigmatisation des personnes trans et intersexes par Donald Trump, parce que juste, c'est tellement facile de stigmatiser les personnes trans et intersexes, tout comme c'est facile de stigmatiser les migrants et les migrantes, tout comme c'est facile de stigmatiser les travailleurs et travailleuses du sexe. C'est, encore une fois, c'est juste choisir la solution de facilité, trouver un bouc émissaire pour détourner le regard, ce qui est toujours, enfin, c'est toujours la même chose en fait. On se sert des minorités pour pas parler des vrais problèmes, des problèmes économiques, de leurs origines, des conséquences dramatiques du capitalisme. Et juste voilà, c'est pas la première mesure foncièrement transphobe et intersexophobe que prend Trump. C'est un mouvement, Won't Be Erased, c'est vraiment un mouvement qui est effectivement dans la réaction, parce qu'on n'a pas eu le choix en fait, mais c'est aussi un mouvement qui est dans l'action, parce que c'est là l'enjeu aussi de la visibilité de ce mouvement et de sa visibilité surtout à l'échelle internationale, c'est de montrer que les politiques du gouvernement Trump ont un impact aux États-Unis, mais également dans le reste du monde en fait, parce qu'il faut savoir que cette volonté d'effacer le terme de genre, aux États-Unis, c'est de rendre la notion de genre quelque chose d'immuable et de défini uniquement par les organes génitaux ou les chromosomes, pour les personnes qui n'étaient pas là avant la pause. Mais à l'échelle internationale, le gouvernement Trump et les personnes représentant les États-Unis à l'ONU actuellement cherchent aussi à remplacer toute mention du terme de genre dans les textes de l'ONU relatifs aux droits fondamentaux. Donc c'est par exemple en matière de lutte contre les violences conjugales, c'est remplacer le terme violence de genre par violence contre les femmes. Et vu comme ça, ça a l'air de rien, mais en fait ça, c'est une manière de perpétuer l'idée qu'il n'existe que des hommes et des femmes cisgenres. Donc cisgenre, c'est l'inverse de transgenre pour les personnes qui sont pas au courant. Et c'est l'idée donc du coup de perpétuer ça, et surtout de perpétuer l'idée qu'il y a une altérité sexuelle, qu'il n'existe fondamentalement que des hommes et que des femmes, et que ça ne marche que comme ça, et qu'il y a que les femmes cisgenres du coup qui sont victimes de violences, ce qui est loin d'être le cas. Donc finalement, Won't Be Erased, c'est pas là que pour lutter contre la politique de Trump. Finalement, c'est pour lutter contre une politique qui est mondiale et qu'on ressent peut-être un petit peu partout dans le monde. C'est peut-être le cas de la politique de Macron, de d'autres personnes comme Bolsonaro, de Duterte, de d'autres personnes qu'on voit un petit peu monter en flèche dans leur grand nationalisme, leur impérialisme et puis leur fascisme surtout. Toi, tu le ressens comment cette montée des extrêmes, cette montée de la haine un petit peu partout? Je pense que personnellement, je suis assez protégée de par mon milieu, tout ça. Mais j'ai des amis que ça touche directement. Déjà parce que j'ai des amis qui vivent ou qui viennent d'endroits où l'extrême droite est beaucoup plus visible que... à Paris même si évidemment il y a des fachos à Paris. J'ai des amis qui se sont déjà fait tabasser presque à mort parce que trans, parce que PD, parce que Gwyn, parce que juste, enfin voilà, parce que différent quoi. Parce que eux-mêmes. Parce que eux-mêmes, exactement. Euh, et euh, je le ressens aussi dans la précarisation de nos vies, en fait, parce que la politique de Macron, là où elle a un impact, c'est qu'en fait, les personnes LGBT, de manière générale, sont plus précaires que les personnes non concernées. Parce que on n'est pas forcément... je vais citer des exemples qui sont un peu spécifiques, mais qui sont aussi révélateurs. Les personnes LGBT, souvent... Alors, pas tout le temps, mais souvent, elles ont été victimes de harcèlement à l'école, elles ont peut-être développé de la phobie scolaire, donc impossibilité de finir leurs études. Et on sait tous qu'en France, les études, c'est synonyme de réussite. C'est aussi de la précarité, parce que bah, potentiellement, c'est des personnes aussi qui se sont fait virer de chez elles ou qui ont dû quitter le foyer familial, entre guillemets, plutôt parce que c'était invivable. C'est des personnes précaires aussi d'un point de vue santé pour les personnes trans. Si on n'a pas encore obtenu notre changement d'état civil, par exemple, mais qu'on a une apparence, entre guillemets... alors, je prenons l'exemple d'un mec trans. Donc, t'as pas fait ton changement d'état civil, t'as toujours ton F sur ta carte d'identité, mais t'as commencé à prendre des hormones, de la T, et tu ressembles, entre guillemets, à un mec. Je mets plein de guillemets, mais voilà. Ça veut dire être confronté... par exemple, si tu as besoin d'aller voir un médecin ou quelque chose, c'est être confronté peut-être à une violence de personnes qui ne sont pas du tout déconstruites, qui ne sont pas du tout au courant et qui vont juste voilà, te mégenrer, tout ça. Donc, c'est toutes ces formes-là. Et donc, la politique, évidemment, libérale de Macron, elle touche directement les personnes LGBT, les personnes trans, parce qu'on est des personnes plus précaires que les autres, de manière générale, encore une fois. Même si c'est pas le cas de toutes les personnes LGBT, évidemment. Et si on parle aussi pour les luttes trans, bah faut savoir que vous avez pas mal de meufs trans travailleuses du sexe migrantes qui militent dans des collectifs aussi ou dans des assos et qui elles sont vraiment, je l'ai dit tout à l'heure, mais qui sont au croisement de plein de luttes et qui sont directement touchés par les mesures de ce gouvernement et du gouvernement d'avant aussi, avec la pénalisation des clients en 2016, qui a été une véritable catastrophe pour les droits des travailleurs et travailleuses du sexe. Et aussi, ouais, les arrêtés que prend Hidalgo, mais pas qu'elle, hein, aussi l'ancien ministre de l'Intérieur, la Colomb, qui prend les mêmes arrêtés à Lyon. Enfin, de toute façon, voilà, la pénalisation du travail du sexe qui reste une connerie monumentale et qui, à mon sens en tout cas, qui touche aussi directement les personnes du coup précarisées et voilà. Donc toi, tu le ressens véritablement comme une violence finalement qui est faite à tous ces, on va dire, ces personnes qui sont déjà opprimées. Finalement, on leur en rajoute une couche, quoi, de jour en jour. Oh oui, c'est ça, complètement. C'est juste, non seulement, en fait, on a l'impression que ça progresse, on a l'impression que plus en plus de gens parlent de transidentité ou même des personnes intersexes, on a l'impression qu'il y a plus en plus de gens qui sont ouverts d'esprit, mais c'est pas tant le cas de ça, dans le sens où on est plus visible qu'il y a 50 ans, ça c'est clair, mais les gens sont pas forcément, se renseignent pas, font pas forcément l'effort de se renseigner, et surtout, on est encore utilisé comme... ben voilà, comme je le disais tout à l'heure, comme bouc émissaire. C'est-à-dire que Trump, quand il prend ses mesures anti-personnes trans, il vise... je pense qu'au fond, lui, il s'en fiche des personnes trans, à mon avis. Mais par contre, ce qu'il vise, c'est la branche ultra-réac des personnes qui le soutiennent, des gens qui votent pour lui, qui sont engoncés dans leurs valeurs traditionnelles de ce que c'est que la famille, de ce que c'est que la femme et l'homme. Et s'il fait ça, c'est avant tout pour parler à cette branche-là et le problème le plus grave, c'est qu'en fait, de par la visibilité du gouvernement, de par la puissance des États-Unis et de par la visibilité de Trump et de son gouvernement, c'est qu'en fait, par ses actions à lui, il légitimise derrière tous les actes de transphobie et d'intersexophobie à l'échelle individuelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les gouvernements qui font ces actes, mais parce que eux, parce que les gouvernements ont cette position, tu parlais de Bolsonaro aussi, depuis qu'il y a eu le premier tour au Brésil, les actes transphobes au Brésil, ils ont augmenté, ils ont explosé. Et c'est pareil... C'est pareil aux États-Unis, c'est pareil en France, quoi. Et du coup, c'est super important, même quand on n'est pas concerné, de se renseigner sur ces luttes et d'aller voir du coup le boulot que font les assos, parce qu'il y en a déjà beaucoup. C'est pour ça que Won't Be Race va pas forcément devenir un collectif, parce que je pense qu'on va continuer à travailler en interassociatif sur ça. Mais par contre, voilà, vous avez plein d'assos qui font un boulot d'enfer. Et notamment le 20 novembre, c'est la journée, donc c'est le TIDOR, donc c'est Trans Day of Remembrance, donc en français c'est le jour du souvenir de trans. En fait, c'est un jour qui rend hommage à toutes les personnes trans qui ont été assassinées, qui ont été torturées, qui ont été victimes en fait de la transphobie d'État, de la transphobie institutionnalisée et de la transphobie de nos sociétés. Et donc c'est le 20 novembre et l'association Accept ST, qui est une association du coup de lutte pour les droits des personnes trans, organise un rassemblement à Paris et vous êtes bien sûr bienvenue pour venir nous soutenir. Merci beaucoup Billy. Pour clôturer peut-être sur cette intervention, est-ce que toi tu aurais un petit mot à passer à quelqu'un, une organisation, à des gens? Alors, à deux organisations. Déjà, à la Manif pour tous, qui recommence à faire du bruit. Alors, c'est sur la PMA, mais bon, faut savoir que la PMA, ça concerne pas que les femmes, ça concerne aussi les mecs trans. Donc, du coup, on est aussi touchés. Et puis, de toute façon, la Manif pour tous est profondément anti-LGBT, donc on est forcément touchés par leur discours. Et toujours et encore, je pense que je suis pas le premier intervenant trans à le faire, mais je pense que c'est important de le refaire, à la SOFECT, qui est un soi-disant collectif de professionnels, de médecins pros sur la question de la transidentité, qui se sont autoprogrammés pros et qui enferment les personnes trans dans des parcours de transition profondément binaire, pendant lesquels ils martèlent aux personnes trans que si elles ne correspondent pas exactement à ce que c'est que leur définition à eux de la femme ou de l'homme, elles n'ont pas le droit d'obtenir leur changement d'état civil, elles n'ont pas le droit d'obtenir leurs opérations chirurgicales, et qui juste tournent le cerveau de ces personnes, les font tourner en bourrique et qui sont infectes. Et tu voudrais leur dire quoi du coup, en un mot? D'aller se faire voir, je peux le si dire. Si tu veux leur dire d'aller se faire enculer, tu peux leur dire aussi. Hein. Ouais, c'est bien aussi. Très bien, allez vous faire enculer la Manif pour tous et la SOFECT. Vous étiez sur Radio Fréquence Paris Pluriel au fond, près du radiateur, 106.3. Vous pouvez nous retrouver vendredi matin à 7h en rediffusion et sur les réseaux sociaux au fond, près du radiateur, Facebook. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Salut! revolutionaries, you know? You didn't see myself as a revolutionary who don't have no help and not take no bribe from no one to fight it single-handed with music. Don't give up the fight. Tous les mardis, la fine équipe est là. Alors, Éléonore, dis-moi, qu'est-ce que tu nous prépares ce soir ? Oui, bonsoir Astod, bonsoir tout le monde. De retour donc en plateau à l'émission Dooboot, comme tous les mardis soirs. Nous sommes nombreux dans le studio, donc on a d'autant plus chaud, d'autant qu'il fait froid dehors, donc c'est bien. D'accord. Bonsoir. Donc ce soir, nous vous proposons une émission littéraire avec deux auteurs importants. Que je vous présenterai donc pendant l'émission. Nous sommes ravis de recevoir Véronique Taggio qui vient nous présenter son roman En compagnie des hommes qui est paru donc aux éditions Don Quichotte et Hamzat Boukari-Yabara avec qui nous parlerons de sa biographie de Walter Rodney paru aux éditions Présence africaine. En dernière partie d'émission, nous recevons Rosine Demaga, présidente de l'association Asprobir, association pour la promotion des bibliothèques rurales. Rosine sera rejointe par deux artistes, le duo des Roll and Young Baby, dont elle nous parlera tout à l'heure, tout comme elle nous parlera de l'événement littéraire qu'elle organise à Nantes pour promouvoir l'opération Un enfant, un livre. Pour m'accompagner pendant cette émission, il y aura bien sûr Emmanuel Bramban, qu'on ne présente plus, notre chroniqueuse maison, membre active d'Idle No More, organisation de défense des droits des peuples autochtones. Emmanuelle écrit aussi. Elle écrit oui, plutôt des articles très très politiques oui, que l'on retrouve dans certains journaux. Le dernier article a donc été consacré aux enjeux, aux conséquences de l'élection de Bolsonaro. Alors j'essaie de le dire en portugais. Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro. J'y arrive pas vraiment. À la présidence du Brésil. Mais ce soir, nous sommes aussi très contents de recevoir donc de nouveaux chroniqueurs. Des chroniqueurs littéraires, donc, qui nous rejoindront comme ça une fois de temps en temps quand ils le voudront et quand ils le pourront. Invité, donc l'invitation lancée à Véronique Tadjo et leur choix littéraire pour cette première collaboration. Il s'agit de Rigaud-Philippe Nguessan et de Xavier Luce. Tous bonsoir. Deux, bonsoir. Bonsoir. Ça va ? Ouais, ça va. Pas trop intimidé par tout ça ? Non, non, non, bonne compagnie. Donc, tous deux sont doctorants à la Sorbonne. Ils sont passionnés de lecture. Rigaud a quelques ouvrages déjà à son actif. Le dernier est un hommage à Georges Balandier. Georges Balandier, donc sociologue bien connu, spécialiste de l'Afrique, qui est décédé en 2016. Voilà un peu l'autre programme de ce soir. Nous allons commencer notre discussion donc, avec Véronique Tadjo et Hamzat Boukhari Yabara. Je vous présente très rapidement nos invités parce que je ne veux pas prendre quand même la parole trop longtemps. Donc Véronique, vous êtes romancière, peintre et poète. Vos romans revisitent votre histoire familiale avec « Loin de mon père ». Le récit national avec « Reine Pocou, concerto pour un sacrifice ». Et il revient également, vos romans reviennent également sur les génocides des Tutsis au Rwanda, avec notamment « L'ombre d'Imana ». Ce soir, nous allons parler de votre dernier roman, « En compagnie des hommes », qui est paru en 2017. En 2005, vous recevez le Grand Prix littéraire d'Afrique noire. En 2016, le Grand Prix national Bernard Dadier. Vous avez dirigé le département de français de l'université de... Vivasterstrand à Johannesburg. Vos œuvres sont traduites en plusieurs langues. Bonsoir Véronique, nous sommes ravis de vous recevoir. Bonsoir, merci beaucoup. Alors Hamzat, est-ce qu'il a encore besoin de te présenter? Mais on va quand même le tenter. Hamzat Boukhari Yabara, donc tu es historien, spécialiste de l'Afrique. Tu es l'auteur de désormais très célèbre Africa Unite, une histoire du panafricanisme, paru en 2014 aux éditions La Découverte. Mais avant ce livre, il y a eu Nigeria en 2013, il y a eu Mali en 2014. Ce soir, nous allons parler de ton dernier roman, de ton dernier ouvrage, une biographie, la première biographie, je pense. De langue française, donc de Walter Rodney, 1942-1980, Les fragments d'une histoire de la révolution africaine, paru aux éditions Présence africaine. Cet ouvrage donc, est la première biographie de Walter Rodney en français. A rappeler que tu es l'un des animateurs de la Ligue panafricaine Umoja et que depuis octobre, tu es l'un des professeurs de l'école de politique africaine, toute nouvelle école, qui propose donc des cours axés sur l'Afrique. Est-ce que j'ai à peu près bon ? Oui, c'est tout bon. Merci. Bonsoir. Bonsoir, Hamzat. Nous sommes ravis de te recevoir. D'accord. Non, mais je me disais, ça fait écho. Alors, le fil conducteur que Xavier et Rigaud ont proposé pour cette émission... c'est l'Afrique des indépendances qui est en fait un lien entre les travaux respectifs de nos auteurs ce soir. On est bien d'accord, Xavier ? C'est ça. Car en effet, le roman de Véronique Tadjo aborde l'épidémie de Ebola et ses répercussions sur la société africaine, à savoir le Sierra Leone et la Côte d'Ivoire où vous étiez à proximité, la Guinée. Et... En fait, Ebola, le roman tel qu'il se structure, il juxtapose différents récits à la première personne. Et cette juxtaposition permet de faire entendre chaque acteur de l'épidémie. On entend même le virus, on entend la forêt, le baobab, on entend des maires, on entend des médecins, des bénévoles. Et ainsi, la structure narrative met en œuvre un principe de démocratie littéraire, on pourrait dire, et dans lequel le roman prend la forme d'une assemblée délibérative, où chacun fait entendre les causes, les torts et pourquoi ceci est arrivé, de leur point de vue. Dans cette assemblée, une voix est une voix, et aussi vrai qu'une voix apparaît avant une autre, il n'est pas de voix qui soit supérieure à une autre. Ce parti pris fait du virus Ebola le révélateur des défaillances collectives et nationales. Les formes de gouvernement, dit le virus Ebola, censées rétablir l'ordre, alimentent le chaos. Elles sont de véritables mafias régies par des riches qui monopolisent biens et ressources. Donc Ebola nous parle de l'Afrique des indépendances, d'une certaine indépendance. On pourra y revenir. Et l'argument principal du livre, c'est qu'il lie en fait la dimension écologique aux politiques. Les deux sont indissociables. Et c'est pour avoir rompu ce pacte que justement Ebola fait régner la terreur sur les habitants. Et c'est un argument scientifique qui est tout à fait étayé par certaines études, notamment un article récent qui date de fin 2017, et dans la revue Santé publique, qui dit que la gravité de l'épidémie en Afrique de l'Ouest n'est toujours pas bien expliquée. Elle n'est pas liée à un virus muté, plus pathogène, mais plutôt à des causes environnementales. Et ainsi, les trois pays touchés avaient un système sanitaire d'alerte et de surveillance en très mauvais état. Les signaux d'alerte initiaux ont été insuffisamment pris en compte. La déforestation, la multiplication des déplacements en taxi-brousse, malgré un très faible revenu, ont favorisé les contacts entre des réservoirs animaux et les hommes. L'épidémie provient d'un réservoir animal, qui est la chauve-souris, et la transmission à l'homme se fait par l'intermédiaire de contacts directs avec le sang des animaux sauvages infectés, puis la contamination est humaine via les contacts. Le virus Ebola est l'exemple d'une zoonose et sa circulation chez l'homme est rare. Voilà pour le cadre du roman. Donc la première question, je la laisse à mon collègue Philippe Rigaud. Vas-y Rigaud. Merci. Alors, nous avons observé dans l'écriture de... On peut d'abord demander à Véronique si elle se reconnaît, si elle reconnaît son roman dans la présentation que vient de faire Xavier. Oui, bonsoir. Rebonsoir. Oui, je me reconnais dans cette présentation. D'ailleurs, je voudrais te féliciter dans un sens, parce qu'effectivement, tu as bien vu que les voix, j'ai voulu les... Exactement, faire une assemblée, c'est-à-dire que chacun donne son point de vue sur ce qui s'est passé, sur la tragédie. Et donc, il y a des voix qui sont, on va dire, plus critiques que d'autres. Et bon, c'est pas étonnant que, je pense, Ebola avait la tâche la plus difficile, celle de parler aux hommes, et de leur faire... De les mettre en accusation. Voilà, de les mettre en accusation et voilà, de leur faire comprendre certaines vérités. Mais voilà, je pense que c'est aussi peut-être le modèle qu'on peut avoir quand on a un conseil où chacun a le droit de prendre la parole. Absolument. Rigaud. Bien, Véronique, ce style d'écriture, je l'ai observé aussi dans L'ombre d'Imana, c'est-à-dire celui qui convoque le témoignage de plusieurs personnages. Dans L'homme d'Inouana, vous convoquez un orphelin, une dame, une veuve, un mort, et ceux qui, bien entendu, ont vécu le drame du génocide rwandais. Je suis tenté de vous demander si, pour vous, la littérature a valeur de témoignage. Parce que vous êtes vraiment très ancré entre l'histoire et le témoignage. Est-ce que pour vous, votre littérature a valeur de témoignage ? Oui, en quelque sorte. Mais disons que j'aimerais bien dissocier ce qui s'est passé au Rwanda, le génocide, et Ebola. Je pense que on peut dire que d'abord ce sont des tragédies qui n'ont pas la même ampleur, mais ensuite les causes aussi sont très très très différentes. Simplement, en tant qu'écrivain, je me mets à écrire un livre quand une situation m'interpelle. Et donc, dans ce cas-là, la situation m'a interpellée parce que, un peu comme tout le monde, on a vu les images à la télévision. Je veux dire que cette épidémie a été énormément couverte par les médias du monde entier. Et donc, on se trouve à Genève ou à Cotonou ou à Abidjan ou à New York. On a vu ces images-là. Et donc, ça a créé un genre de psychose... on va dire mondial, hein. Oui. Et j'ai trouvé qu'il y avait, derrière ces images trop rapides, il y avait un besoin de faire une pause, faire le point et de dire que derrière toutes ces images-là, il y avait des êtres humains, des histoires, chacun avait une histoire à dire. Raconter. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que je pars du principe que c'est difficile de raconter une histoire de manière linéaire. Oui. C'est ça, oui. Je pense que c'est peut-être mon tempérament qui est comme ça, mais j'ai du mal à dire, à commencer au début et puis à la fin, voilà, ça y est, je vous ai donné une histoire avec une trame tout à fait claire. Je préfère écouter plusieurs voix. D'accord. Très bien, merci. Une deuxième question liée véritablement à votre rapport à l'histoire, justement. Je rappelle toujours ce livre-là, L'homme d'Imana, et celui-ci. L'homme d'Imana qui parle du génocide rwandais et que vous écrivez après, bien entendu, un séjour au Rwanda, évidemment. Et ici, vous écrivez encore un autre livre qui est en compagnie des hommes qui témoignent de l'épidémie d'Ebola après un séjour en Côte d'Ivoire. Et j'ai envie de vous demander votre rapport aussi à l'histoire. Est-ce que l'écrivain que vous êtes doit toujours témoigner de l'histoire, vu que, comme Patrice Nganang le disait, dans l'écriture pérentive, on ne peut pas écrire comme si c'était une tragédie, c'était un drame, n'ont jamais existé. Est-ce que vous vous sentez le besoin, en tant qu'écrivaine, de toujours témoigner de l'histoire pour, en fait, léguer peut-être un certain enseignement à ceux qui vont venir, ou témoigner de ce que vous avez vécu en tant que drame, en tant que situation, événement dramatique? En fait, je dirais que ce n'est pas obligé. Je veux dire que je ne me sens pas obligée d'écrire. Je n'écris que si le sujet me prend et m'oblige à écrire. Et dans ce cas-là, c'est ce qui s'est passé. Mais comment dire, il y a tellement d'autres choses qui peuvent être dites, et il y en a beaucoup que je ne traite pas. Donc c'est vraiment, je pense que il faut regarder ça de manière beaucoup plus humble. C'est ce qui se passe entre le sujet et la personne qui écrit. C'est-à-dire, c'est quelque chose, parfois on ne le sait pas nous-mêmes, on ne le comprend pas nous-mêmes, mais ça bouscule quelque chose de fondamental en soi, et donc ça oblige à l'écriture, ça donne le déclic de l'écriture, le besoin d'écrire. Mais ce n'est pas... pour écrire, on ne dit pas « je vais aujourd'hui écrire sur ça, de manière, sur ce sujet-là, de manière froide ». C'est impossible. Donc, je ne sais pas, peut-être que je n'écrirai plus jamais sur quelque chose de dramatique, et que j'irai chercher les fleurs et l'amour. Mais pour le moment, c'est ce qui me préoccupe le plus. D'accord. Oui, Xavier. Peut-être une question, un extrait qu'on va lire pour faire entendre déjà l'écriture qui est très bien écrite, c'est vraiment qui se lit très facilement. Des phrases courtes, percutantes, qui vont à l'essentiel, sans fioritures, c'est vraiment... j'ai beaucoup aimé l'écriture en tout cas. Oui. Et il y a un extrait dans lequel on entend une infirmière qui justement décrit l'état de délabrement dans lequel elle travaille et les difficultés pour exercer son métier. Et elle s'interroge justement sur... comment est-ce qu'ils en sont arrivés là? Absolument. Elle fait une sorte d'introspection. Et comme Véronique Tadjo était présente, peut-être pourriez-nous lire l'extrait. Et Hamzat Boukhari pourrait nous dire, en tant qu'historien, quel regard il porte justement sur les défaillances et, comment comprendre, attribuer les causes. Et comment est-ce qu'on se rend complice malgré nous de cet état de décrépitude de ces pays, effectivement, qui aujourd'hui sont dans un tel état qu'on ne sait pas comment revenir en arrière, en fait. Alors, c'est quel passage que vous voulez que je lise? Moi, j'avais noté un passage, c'est séparant, c'est marrant, parce que j'avais noté le même passage, mais sans qu'on soit concerté, d'ailleurs. Et je trouvais ce passage vraiment très... Non. Juste après le poème. Oui, voilà, le début, là. Ok, d'accord. Oui, en fait, l'infirmière est effectivement un de mes personnages préférés, parce que je pense que... elle est parmi ceux qui étaient vraiment au fond. Oui, aux premières loges. Aux premières loges. Je me souviens encore du jour où je suis rentrée au pays, avec mon diplôme d'infirmière spécialisée. J'étais la première femme de mon village à aller si loin. J'avais passé 2 années de formation à l'étranger. J'avais fait des stages dans les meilleurs hôpitaux. Je revenais pour servir, pour faire mon métier. J'étais prête à prendre la relève, remplacer le personnel expatrié. Le pays allait dans la même direction. Au moment de l'indépendance, des centres hospitaliers remis clé en main grâce aux prêts des banques internationales s'élevaient fièrement dans les principales villes. L'éducation et la santé étaient déclarées priorité des priorités. Nous avions des équipements sophistiqués, très sophistiqués. Quand une panne survenait, il fallait faire venir des techniciens de l'étranger. Les formations n'allaient pas assez vite, comme si les concepteurs de notre système de santé n'avaient pas pensé à tout. D'un ministre de la Santé à l'autre, les mêmes erreurs, les mêmes promesses non tenues. Oui, les appareils allaient être réparés le plus vite possible. Oui, un programme de réhabilitation serait mis en place. Oui, les soins médicaux restaient gratuits. Je ne sais pas comment cela est arrivé, comment, petit à petit, mes collègues et moi avons accepté la médiocrité. Nous avons accepté la compromission. Nous avons accepté la négligence. Je pense que c'est largement assez, parce que ça dit tout en fait, hein, de ce que tu voulais qu'elle dise en fait, hein, dans ce passage, dans cet extrait, qui explique bien effectivement comment est-ce que à un moment donné il y a eu comme ça, au moment des indépendances, il y a eu de grandes résolutions, de grands projets, et que petit à petit ces projets se sont effrités. Et que malgré nous, c'est-à-dire malgré les personnes en tout cas concernées, petit à petit, tout ça est tombé en décrépitude et aujourd'hui, il n'y a plus rien. Ce n'était pas tellement pour moi pour dire, c'est vraiment son point de vue venant d'infirmière. Bien sûr. Comment est-ce que... Et justement, le confronter à un historien qui justement travaille sur les archives, qui essaie de proposer des hypothèses pour réfléchir sur pourquoi. Enfin, elle voit ça, elle est juste impuissante. Et comment justement comprendre ce sentiment d'impuissance? Comment vous expliquez est-ce que c'est quelque chose de classique, et pourquoi, enfin, comment est-ce que vous réagissez, vous, en tant qu'historien qui avait travaillé sur ce sujet-là? Déjà, je dirais que les désillusions, les déceptions par rapport aux indépendances sont quand même nombreuses. Donc, je pense qu'on pourrait faire le même topo par rapport à des instituteurs, des enseignants, l'état des universités qui progressivement s'est dégradé. Pour ce qui est de la santé, moi je considère que par exemple les questions médicales n'ont pas été décolonisées, on n'a pas pensé la question de la souveraineté médicale, c'est ce qu'on peut retenir d'un cas comme Ebola. C'est aussi, je crois, des questions de priorité qui ont été progressivement dégradées. En même temps, je pense qu'il faut quand même rappeler que les États africains ont fait malgré tout mieux en termes d'éducation et de santé en 60 ans d'indépendance que la colonisation en 70 ou 80 ans. Donc je pense que l'état de décrépitude et de déception ne doit pas non plus amener à des contre-coups comme regretter la période coloniale, qui a été très particulière du point de vue justement de la médecine, puisque ça correspond au développement de la médecine coloniale, la médecine tropicale, qui se développe en réaction à des épidémies, des nouvelles formes de maladies que l'Afrique ne connaissait pas, qu'elle a rencontrées du fait des nouveaux modes de vie, de migration, l'apparition des villes. Aujourd'hui, la problématique urbaine est fondamentale. Il y a des passages, effectivement, qui me rappellent des extraits de Mongo Betty, par rapport à la ville au Cameroun, oui, où il n'y a pas cruelle. Ville cruelle. Voilà, exactement. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a aussi des villes qui, aujourd'hui, sont des mouroirs, de véritables mouroirs. Et la question des hôpitaux, elle est fondamentale. Je pense qu'on a tous des exemples, des anecdotes assez tragiques où il faut parfois corrompre le personnel hospitalier pour avoir un lit. Enfin, c'est vraiment des choses qui montrent que l'État a totalement abandonné et failli à ses missions. Et puis ça correspond aussi à un programme libéral, néolibéral, qui s'est ensuite développé. Donc il y a des explications à toute cette situation, il y a des solutions, mais je pense que c'est important que les écrivains, les romanciers, aussi le fassent ressortir avec leurs propres mots, qui sont assez efficaces. Voilà. Après, le regard de l'historien est un peu différent. Moi, je suis plutôt réservé sur les écrivains qui rentrent dans l'histoire, parce que très souvent, on a plutôt tendance en fait à lire l'histoire des écrivains plutôt que l'histoire des historiens. Et parfois, il y a des raccourcis, il y a des choses erronées, il y a des contresens. Mais on va dire que ça fait partie du jeu entre historiens et littéraires. Donc voilà, chacun s'enrichit de ses erreurs. Alors, on fait une courte pause et on revient en studio. The things I don't do for you, my baby, yeah. I'm talking about the things I don't do for you, my shady, yeah. Na na na na na na, baby, yeah. Na na na na na na, my shady, yeah. I'm talking about the things I don't do for you, my baby, yeah. I'm talking talking all the things I don't do for you, my chérie. Yeah. Na na na na na na, baby. Yeah. Na na na na na na, my chérie. Yeah. I'm talking all the things I don't do for you, my baby. Yeah. I'm talking all the things I don't do for you, my chérie. Yeah. Na na na na na na. Ne me perds pas le temps, laisse pas le choix, ne me tends pas les bras. J'ai du pain sur la planche, une arme sur la tempe, un œil sur ma banque. J'suis dans le timing, dans le timing, dans le timing. J'suis dans le sale drap, j'suis dans le sale drap, j'suis dans le sale drap, baby. J'ai des contrats signés, on est condamné à briller. Tu ne vois que tes billets, je ne parle que des timings. J'ai du beau, c'est la night, tu te passes la bague, je ne vois que ta rage. Ils m'attendent au tournant, tout dépend de ma vitesse. Ils disent qu'on fait du sale, mais ne vois pas le taf qu'on fait. Ne me perds pas le temps, ne me perds pas le temps, ne me perds pas le temps. I'm talking all the things I don't do for you, my baby. I'm talking all the things I don't do for you, my chérie. Na na na na, baby. Na na na na na na, ma chérie. C'est une exclue. C'est une exclue. De boot. Alors Eleonore, dis-moi c'est qui? Oui, alors donc c'est Young Baby and the Roll. Qui sont c'est avec ça. Nous. Qui sont donc avec nous ce soir. Donc nous venons d'écouter votre premier titre. C'est une exclue, c'est une exclue. C'est une exclue, c'est alors une exclue mondiale sur Dooboot, Young Baby and the Roll. Donc, et quel est le titre? Pardon? For You. For You, oui, d'accord, très bien. Bon, on va en parler tout à l'heure. Hein, donc, ils sont avec nous. Nous allons poursuivre la discussion que nous avons commencée tout à l'heure. Donc, Hamzat avait le micro, il va le conserver. Donc, la thématique ou le fil conducteur de cette émission, donc, c'est l'Afrique des indépendances. Avec cette biographie de Walter Rodney, Hamzat, tu poursuis effectivement la discussion que tu as commencée depuis maintenant quelques années avec Africa Unite en présentant donc un portrait, en présentant une figure que l'on connaît peu dans le monde francophone, qui est la figure donc, de Walter Rodney. Est-ce que tu peux nous dire qui est qui est Walter Rodney et pourquoi est-ce que ce Guyanien, puisqu'il vient de Guyana, pourquoi est-ce qu'il est un historien de l'Afrique? En fait, il est un historien africain, c'est-à-dire qu'il est né certes en Guyana, qui est géographiquement en Amérique du Sud, mais lui-même s'est toujours considéré comme un historien africain. Il aurait pu être caribéen, mais il s'est lui-même qualifié d'africain. Et il fait des études donc en Jamaïque puis en Angleterre dans les années début des années 60. Il part enseigner rapidement en Tanzanie une première année. Ensuite, il revient en Jamaïque en 68. Il est à l'origine de ce qu'on appelle les Rodney Riots, qui sont les plus importantes émeutes de l'histoire de la Caraïbe. De là, il est expulsé. Il repart ensuite en Tanzanie, où il enseigne à nouveau pendant 5 ans. Pendant 5 ans, il va constituer le pilier d'une école de pensée, l'école de Dar es Salaam, une école plutôt marxiste, révolutionnaire, anti-impérialiste, dans laquelle les débats d'idées sont très liés aussi à la situation géopolitique du continent africain, le combat contre les régimes racistes d'Afrique australe, etc. Il y écrit « How Europe Underdeveloped Africa », donc « Comment l'Europe a sous-développé l'Afrique », qui est, je pense, le livre le plus important de l'histoire du XXe siècle, ou le livre d'histoire le plus important, tout simplement, sur l'Afrique. Et en 1974, il décide de repartir dans son pays d'origine. On lui enlève son poste de professeur, donc du coup, il entre dans le militantisme politique, en devenant aussi ce que j'appelle un intellectuel prolétaire. C'est-à-dire quelqu'un qui va vraiment utiliser son savoir, sa connaissance, sa science pour transformer des luttes de terrain. Donc en allant donner par exemple des cours sur l'histoire du capitalisme sur le lieu de travail des ouvriers et des agriculteurs. Et en 80, après un déplacement assez particulier au Zimbabwe, à l'invitation de Robert Mugabe, où il s'était rendu clandestinement. Le régime décide de l'éliminer. Donc il fait partie de ces nombreuses figures martyrs de l'histoire mort de l'Afrique. Mort à 38 ans. 38 ans, voilà, donc du panafricanisme. Également une figure centrale du mouvement Rastafari. Son premier livre, Groundings with My Brothers,